s'en va. Tous les saxophones pleurent. Et nous. Una vegada més i al vostre costat comença una nova edició d'aquest espai. És Hola la Música, al costat de Rafael Corbí. Sigueu benvinguts i benvingudes. La música en francès n'és la protagonista amb els propers minuts. De nou amb vosaltres, Hola la Música, en aquest cas la música en francès i a l'edició 111. La bonne musique nous fait oublier nos amours. Fa temps que tenim una sèrie d'àlbums que us volíem fer escoltar, que us volíem portar a recordar a nosaltres i que van quedant perquè hi ha més àlbums que arriben, més novetats, més cantants, més peticions dels nostres oients. Avui, però, els hi dediquem un cop d'ull amb algun d'aquests discos, d'aquests àlbums que ens havien quedat enrere amb el temps. És el cas del disc de corda pirata, anomenat Blonde, que va publicar l'any 2011, que conté cançons com aquest Hotel Amor. J'ai revu dans cette chambre 503 les murs métis que tu quitteras cette fois. Mais redis-moi encore cette prière, celle qui nous rappelle qu'on était fort hier. J'ai vu des âmes se fendre à mes côtés, ne sachant plus ni comment m'aimer. Il ne devint que poussière d'étincelles, celles qui s'éteignent quand elles deviennent réelles. Mais t'as au moins cette nuit et rêve de vaincre l'ennui d'une guerre qui nous. Et fa pensar sempre en les coses que et poden fer feliç, una música que es defineix amb el canvi, amb el final de l'adolescència, al principi de la vida adulta, quan les filosofies per la teva vida comencen a canviar. Corda Pirata va néixer al març del 2007 i ja ens ha acompanyat més d'una vegada. Aquest disc no, Beatriz Martín n'és la protagonista, de fet Corda Pirata és el seu nom artístic. La Beatriz va néixer el 22 de setembre del 1989 a Montreal, al Quebec, com cantant i compositora d'ascendència francesa i que ens aportava aquest que va ser el seu tercer treball discogràfic llançat el 8 de novembre de 2011 amb aquesta cançó que m'encantava i d'altres que escoltarem com els tres senzills que va publicar que varen ser èxits menors, tot i que varen sonar bastant a França, però també, òbviament, al Quebec i algun d'ells també èxits a Bèlgica. En concret, Golden Baby va ser un número 3 a les llistes de Bèlgica, per tant, un dels èxits d'aquest disc de Cor de Pirata. Et j'aurais tout fait pour connaître tes fins. Així hem escoltat els dos temes, el Golden Baby i l'Adier, que també formava part d'aquestes peces que estàvem escoltant amb la música i amb la companyia de Cor de Pirata, que una vegada més estava entre nosaltres. Bé, doncs ens queda un dels singles que va portar-nos a terme des d'aquest disc, concretament la cançó anomenada Plaça de la República. Esteu escoltant Hola la Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. Dites-moi d'où il vient, enfin il saura où il va. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours pas trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'elle m'a l'accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi, où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois.

écrasé, le regard au ras du sol. Oui, j'ai raté mon Noël, le gars qui porte tes bras, ne venez pas le combattre. Les espoirs de mon sort n'avaient pas dépassé sa mort. Moi je vois tous les pays dans les yeux de mes amours. Et que l'on remporte là, si vous nous laissez. Això és Hola la Music, el programa de música francesa a la teva emissora. Escoltarem quatre cançons a continuació d'un recopilatori que se'ns ha fet a mans el tercer volum de la sèrie 1000% França i que ens aporta en el programa d'avui cançons de Vanessa Paradis, d'Yves Montand, d'Alain Souchon i de Notre Dame de París. Sí, aquests són els quatre propers temes que escoltem amb el nostre espai. Hola la música, Rafael Corbí. Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous

tous les gars du village étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là, là, là, là, là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là, là, là, là. Le maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougna, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, Dieu le leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là, là, là, là, là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là, là, là, là. Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivres de colère, elles s'armèrent de bâtons, et farouches, elles immolèrent le chaton. La bergère, après bien des larmes, pour se consoler, prit un mari, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là, là, là, là, là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là. Seguim a través del nostre espai Hola La Música amb la música de George Bassens, que també ens ha acompanyat amb el programa del dia d'avui. Com sempre, un plaer estar al seu costat i escoltar la seva música. Ens queda poc per arribar al final i ho farem amb Annie Blanchard. Dans ce monde dur qui dérive, où le mensonge prend l'apparence de sourires faux qui arrivent à donner une certaine confiance. T'es pas seul à vouloir que ça change pour respirer le vrai, la vérité. Toutes les raisons qui motivent faire vivre cette violence, de fausses paroles maladives qui tuent en nous l'insouciance. T'es pas seul à vouloir que ça change pour respirer le vrai, la vérité. Time after time, je ne suis plus la même qu'avant. Deep in my mind, j'espère un requiem maintenant, pour que la vérité entre en nous, qu'il se répande tout partout, pour que le monde change peu à peu pour nous deux. Personnes trop naïves ont souvent l'expérience de vivre des histoires fictives, trop souvent perdues d'avance. Pas seul à vouloir que ça change pour respirer le vrai, la vérité. Time

existe encore aujourd'hui des gens qui vivent dans ton pays et qui de ton nom se souviennent. Car l'océan parle de toi, les vents du sud portent ta voix de la forêt jusqu'à la plaie. Ton nom c'est plus que l'Acadie, plus que l'espoir d'une patrie. Ton nom dépasse les frontières. Ton nom c'est le nom de tous ceux qui malgré qu'ils soient malheureux croient en l'amour et qui espèrent. Évangeline, aquesta cantant amb les arrels acadianes que ens acostava des del Canadà, aquella part en disputa des de fa tants de temps entre anglesos i francesos, els acadians magnífics i en la seva música encara més amb aquest toc de folk country de les seves cançons. M'acomiado amb Annie Blanchard amb una darrera cançó, la que donava nom a aquest disc del 2007. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, serà fins la propera. Hola la música, música en francès per tots vosaltres. Mon cœur se déchire en adieu. Malgré les regards et les larmes, ton navire file à la dérive. Tu devras y lever les armes, laisser l'amour sur l'autre rive. Mais elle t'attendra un jour à la fois, de l'hiver au printemps, les yeux vers l'océan. Oh, elle t'attendra un jour. Chaque dimanche, seul au milieu de l'étranger, entouré d'hommes inconnus, tu sais que tu dois endurer les nuits glacées, les pas perdus. Combien de vies sacrifiées dans l'abandon, le désespoir. Sauras-tu un jour effacer les pires douleurs de ta mémoire? Car elle t'attendra jour à la fois, de l'hiver au printemps, les yeux vers l'océan. Oh, elle t'attendra un jour à la fois, comme le font les anges entre chaque Berce mon Acadie.